touche mon esprit. Touche-moi. Touche mon âme. Touche-moi. Ô Saint de gloire. Touche-moi. Touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, oh Seigneur. Parle-moi. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi. Parle à mon esprit. Parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre maintenant. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Sonde-moi, Père. Sonde-moi, Saint-Esprit. Sonde-moi. Sonde-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Brise-moi. Brise-moi. Tout ce qui est révélé à moi. Brise-moi. Tout ce qui m'empêche à évoluer avec toi, Seigneur. Brise-moi. Brise la distinction. Brise-moi. Brise-moi, ô Père éternel. Brise-moi. Façonne-moi, ô Jésus. Brise-moi. Brise-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous les pratiquiez, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oh, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Père. Enlève le cœur de pierre à moi. Crée un nouveau cœur, ton cœur qui est plein d'amour, plein de compassion, plein d'obéissance. Alléluia. Chantons plus fort tous ensemble. Touche-moi. Touche-moi. Seigneur, touche-moi. Touche-moi. Parle à ton Dieu maintenant, mon frère, ma soeur. Touche-moi. Parle, parle, parle. Touche-moi. Seigneur de gloire. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Wonderful is your name, oh Lord. How wonderful your name, O Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, O Lord. Oh, how wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, O Lord. How powerful is your name, O Lord. How powerful is your name, O Lord. How powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name, O Lord. How powerful is your name. How powerful is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, O Lord. Oh, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, O Kombona Yesu zali likana ngai. Kombona Yesu zali lobiko na ngai. Ezali likama na ngai. Ezali solution na ngai. Bona kombona Yesu na zui promotion na musala. Alléluia. Bona kombona Yesu libana na ngai bongi. Bona kombona Yesu na komi mutu ya mbongo. Na komi na kimia. Kombona ngai komi na buku na bomoi. Alléluia, mon accord pour la Yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Alléluia. Kombona yo elonga nanga. Kombona yo elonga nanga. Yesu. Kombona yo elonga. Elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo elikya nanga. Kombona yo elikya nanga. Kombona yo elikya. Kombona yo elikya. Kombona yo elikya. Yesu. Kombona yo elikya. Kombona yo elikya. Kombona yo elikya. Yesu. Kombona yo lobiko nanga. Ola kisinga bolingo Olo kotinga ina katia full Nazala ki mokufi Yesu opesinga bongo Nazala ki mobola Yopesinga bongo Oh Yesu Mona kombo na yo kaka Kombo na yo Kombo na yo Zali solution Solution Nalipota nangai Solution na bongo inangai Oh Yesu Oh Yesu Oh Yesu Oh Yesu Oh Yesu Natamboli na maladi nzambe na ngai bambule bele tango na yeba kombo na Yesu te tango ngana yeko yeba kombo na Yesu natamboli maladi na nzoto na ngai lelo na komi na kimia na komi na esengo oh kombo na Yesu kombo na Yesu Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Solution, come on, I am solution.